Bonjour et bienvenue, vous qui êtes branchés sur les ondes de la radio-télévision Isanganiro. C'est notre moment d'écouter et de suivre l'émission Mosaïque. Le Burundi célèbre ses 63 ans d'indépendance aujourd'hui, une occasion de réfléchir sur les progrès réalisés et les défis à relever. Après plus de 60 ans de son indépendance, le Burundi est l'un des pays les plus pauvres du monde, avec 87% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté, selon le rapport de la Banque mondiale, indiquant que 80 à 90% de la population, surtout rurale, dépendant de l'agriculture, essentiellement de subsistance, tandis que les pressions sur les terres agricoles s'accentuent et un taux de chômage des jeunes d'environ 65%. Le Burundi est un pays jeune. 2 habitants sur 3 ont moins de 33 ans. Mais c'est aussi le pays le plus pauvre au monde, selon l'estimation de la Banque mondiale. De 2022, 87% de sa population vivant avec moins de 1,9 dollars, soit 5 400 francs burundais par jour. Enclavé, le pays a connu une croissance économique moyenne de plus de 3,7% sur la décennie écoulée, presque intégralement amortie par la croissance démographique, plus de 3% en 2015 pour 11,55 millions d'habitants. Après 63 ans de son indépendance, le Burundi fait face à la rareté de devises pour pouvoir importer tout ce dont sa population a besoin. Cela étant, la valeur de la monnaie locale ne cesse de dégringoler car sa valeur est très basse par rapport à la valeur des monnaies des pays de la communauté de l'Afrique de l'Est dont le Burundi fait partie. Après ses 63 ans de l'indépendance, comment les Burundais peuvent évaluer l'état d'avancement du développement de leur pays et ce qu'ils attendent dans l'avenir? Est-ce que l'on peut dire que réellement le Burundi a été indépendant? Si oui, dans quel secteur? Quelles sont les difficultés rencontrées? Comment trouver des solutions de remédiation à ces défis? Qui doivent prendre les commandes pour que le Burundi puisse avoir de l'indépendance? Quelles sont les leçons à tirer? Y a-t-il espoir que demain ou après-demain, les Burundais pourront sortir de cette impasse économique? Pour décortiquer toutes ces questions, dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous avons 3 invités à savoir. Olivier Nkurunziza, président du parti UPRONA qui a milité pour l'indépendance du Burundi. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Je salue ici les invités avec qui on va partager le plateau, mais aussi je salue les téléspectateurs de la radio-télévision Isanganiro. Nous sommes avec Léonce Ngendakoumana, politicien et membre du parti Sawanya Frodebou. Il a été aussi le président de l'Assemblée nationale. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Je salue mes collègues, je salue également nos auditeurs. Nous sommes également avec Faustin Dikoumana, directeur national de PARSEM, Parole pour Action et Réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de nous avoir invités et nous remercions mes collègues avec qui nous allons partager ce dialogue. François Akimana et Cédric Nibishaka sont à la cabine du son et à la prise des images. Médard Nyonguru est à la réalisation, à l'animation de cette émission. Vous retrouvez Evariste Nzikobanyanga. Rebonjour et bienvenue. Mosaïque. Entrons dans le vif du sujet avec cette première question. Est-ce que vous trouvez que le Burundi a évolué suivant les ambitions et le programme du prince Rwagasore, le héros de l'indépendance? Je commence par Olivier Nkurunziza. Aujourd'hui, à la veille des élections, ce n'est pas facile d'évaluer, de dire que le Burundi est 100% indépendant. Vous savez que le parti UPRONA, avec les élections, nous avons contesté effectivement le déroulement des élections. Alors qu'en 62, malgré les contestations, l'ONI avait aidé à faire des élections transparentes, libres, pour dire que vous voyez que nous avons reculé même à l'organisation des élections, parce que du temps du prince Louis Gbagasole, on a été transparent, les Burundais ont voté avec libre choix. Mais aujourd'hui, alors, vous voyez que je commence à évaluer d'une façon négative là où nous en sommes aujourd'hui. Mais au niveau du parti, on a ce que nous voyons effectivement avec l'indépendance politique. Ce n'est plus les Blancs qui sont ici, ce sont des Burundais qui organisent le pays. Mais le problème est que seulement on a changé la peau, mais la mentalité des Blancs, les Burundais n'ont plus de la liberté de s'exprimer, n'ont plus la liberté de voter, n'ont plus la liberté effectivement de donner les avis et considérations pour que le pays soit gouverné d'une façon pacifique. Parce que le prince Louis Gbagasole, dans son cahier de charges, il voulait un pays indépendant, prospère, où tous les Burundais sont libres, effectivement. Mais aujourd'hui, vous voyez que nous sommes tombés dans une autre période. Je ne dirais pas même 1961, mais vers 1950 combien, au moment des Belges. Pour moi, alors, ce que je peux évaluer seulement, c'est de mettre à l'attention de tout le monde que même si nous voulons l'indépendance économique, pour avoir l'indépendance économique, il faut avoir la stabilité politique. Il faut avoir effectivement donné la chance à tous les Burundais de contribuer pour que les pays soient indépendants dans tous les domaines. Mais en constatant qu'il y a toujours la corruption, qu'il y a toujours la justice qui ne travaille pas parce que le prince Louis Gbagasole voulait qu'effectivement le pays, et même si ce sera des Burundais qui vont organiser le pays, il faut que dans tous les domaines soit effectivement qu'il y ait une manifestation de la volonté du peuple. Mais aujourd'hui, ce que j'ai vu en 2025, parce que je vais évaluer la situation actuelle dans les isoloirs et trouver qu'il y a une personne qui vote pour toi, qu'il y a au moment où au lieu de lire les voix des Burundais qui ont voté, on lit d'autres choses. C'est une situation qu'on n'a jamais vue au Burundi. Alors nous célébrons aujourd'hui la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance à une situation chaotique, difficile à évaluer. L'indépendance de Burundi aujourd'hui. C'est pas pour vous couper la parole. Le chef de l'État a dit que le Burundi évolue positivement. Là, c'est vraiment faire une lecture biaisée. Et aussi, quand vous dites cela, vous ne voulez pas que le pays soit totalement indépendant. Vous ne voulez pas même trouver la solution de la question actuelle. Parce que c'est presque une crise politique qu'on a constatée. C'est la raison pour laquelle beaucoup de partis politiques qui ont même porté plainte à la Cour constitutionnelle, même après, nous avons même écrit une lettre au président de la République pour lui montrer que qu'il ne faut pas tenir seulement des discours politiques, mais plutôt qu'il faut avoir en action. Il faut concrètement trouver des solutions, des problèmes posés. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Alors, à la veille de l'indépendance, même s'il y a la stabilité que nous essayons, il y a cette paix que nous voyons physiquement, mais quand vous entrez dans le cœur des Burundais qui ont vu cette situation que nous vivons aujourd'hui, est-ce que vous direz que effectivement le Burundi est stable? Non, pas du tout. Là, c'est sa façon de le dire, mais je ne suis pas d'accord avec eux. Merci beaucoup, Léon Senghenakoumana. 63 ans après l'indépendance, est-ce que le pays a suivi la voie tracée par Gbagasole? Aujourd'hui, le parti au pouvoir, le président de la République, il dit ce que depuis 2005, que le parti CNDD-FDD est au pouvoir, il y a une stabilité politique. Comment est-ce que vous évaluez les 63 ans après l'indépendance du Burundi? Négativement. J'ai fait une évaluation négative sur toute la ligne. Je dis sur toute la ligne parce que pour évaluer ce progrès dont vous êtes en train d'évoquer, cette évolution, il faut partir de la vision du prince Louis Gbagasole. Il avait une vision de la société burundaise. Il faut partir aussi de son discours. Après la victoire, quand même, il a gagné. Il a remporté la victoire pour l'indépendance du Burundi. Et comme ça, vous pouvez évaluer qualitativement et quantitativement les progrès enregistrer, réaliser. Donc, pour le prince Louis Gwagasore, il fallait faire du Burundi une nation digne. Digne, la dignité avec grand D. Une nation digne. Il insistait beaucoup sur l'unité et la cohésion nationale. L'unité et la cohésion du peuple burundais. Il insistait sur la réconciliation des Burundais. Il insistait sur la prospérité du pays. Il voulait un Burundi finalement libre, prospère. Comme le disait mon collègue là, un pays stable politiquement, économiquement et même socialement. Alors, quand il a gagné la victoire, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il n'est pas encore conscient de cette victoire. Tant que le Burundi, le citoyen burundais n'est pas encore libre, tant que le citoyen burundais n'est pas encore à mesure de s'exprimer sur les réalités de son pays, librement. Tant que le citoyen ne pouvait pas élire ses dirigeants, ses représentants, librement, pas dans l'intimidation, dans le terrorisme, dans la violence. Comme le disait notre collègue, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un colon noir qui a remplacé le colon blanc, tout simplement. Le colon blanc, il mettait en avant le système de diviser pour régner. Est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir divise le Burundais ? Là, vous posez une question dont vous avez déjà la réponse. J'avais d'abord oublié quelque chose d'important. Gwagasore disait que les voleurs, les corrupteurs corrompus seront sévèrement punis quand ils seront attrapés. Ça, c'est fondamental parce que vous l'avez dit vous aussi dans votre mot introductif. Sans indépendance économique, sans un pays développé, il n'y a pas moyen de parler d'indépendance politique. C'est vrai, mais l'indépendance politique, c'est pour créer un environnement, pour arriver à l'idéal du peuple. Le peuple aspire à quoi ? Je pense qu'il va nous donner, Fausté ici à côté, il va nous donner les éléments des aspirations du peuple pour vraiment son bien-être. Alors, vous parlez de progrès. Il n'y a pas eu de progrès parce que on a parlé de l'indépendance avec le prince Gwagasore, mais juste après lui, le parti Iprona a connu des divisions basées sur le hutisme vulgaire et le tutsisme vulgaire, les histoires de Morovia, Casablanca. Et cela a entraîné une crise profonde en 65. Vous savez ce qui s'est passé en 65 et en 66, vers la fin de l'année, vous savez ce qui s'est passé, la monarchie a été abolie ensuite. Les partis politiques ont été déréglés de la liste. Il n'est resté que le parti Iprona, qui était divisé. Alors, l'ethnisme a prédominé, l'exclusion, le génocide. Alors, on a toujours vécu ça. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne vois pas un gouvernement qui reprend intégralement le programme du prince, l'héritage du prince Louis Gwagasore. On prend plutôt l'héritage du colon. C'est l'étagère qui prédomine. Alors, les signes sont nombreux. Il y a beaucoup d'indicateurs. Au niveau de la démocratie, le prince Louis Gwagasore parlait de la démocratie, mais une démocratie adaptée aux Burundais, pas aux Européens. Pas une démocratie adaptée aux Hutus ou aux Tutsis. Une démocratie qui réconcilie. Une démocratie qui rassure tout le monde. Une démocratie qui donne la chance à tout le monde. Une démocratie qui va dans le sens de renforcer, de consolider l'unité et la cohésion nationale. Alors, cette démocratie, où est-ce qu'on la voit aujourd'hui ? Où est-ce qu'elle est ? Mais aujourd'hui, on s'est rendu aux urnes et on a élu à 100% le parti CNDD-FDD. Surtout pas aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'élection. Il a bien dit, il n'y a pas eu d'élection. On sait ce qui s'est passé. Tout le monde a déploré cela. Même dans la justification des résultats de ces pseudo-élections. Ce n'est pas la CENI qui a justifié les résultats de ces élections. Mais les uns disent que les élections ont été maillées par des irrégularités. Il y a d'autres qui disent non, il n'y a pas eu d'irrégularité. Il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a pas eu d'élection aujourd'hui. J'insiste. Les irrégularités peuvent avoir lieu, mais quand il y a eu des élections, il n'y a pas eu d'élection. On sait ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, le fait est que les résultats ont été présentés d'abord précipitamment par le secrétaire général du parti. C'est lui qui a annoncé les résultats de ces élections, avant même la CENI. Et ce qu'il a dit, c'est ce qui s'est passé, c'est ce que la CENI a annoncé. Deux, la mise en garde du ministre de l'Intérieur pour quiconque dira qu'il y a eu ces irrégularités dont vous parlez, qui sera sévèrement sanctionné. Trois, le premier ministre, il s'improvise. Il parle, il explique pourquoi on a choisi le parti CNDD-FDD. Sans tarder, avant même que la Cour constitutionnelle nous valide les résultats, le chef de l'État aussi intervient. Tout cela pour donner des orientations à la Cour constitutionnelle. Ce qu'elle doit dire. Et vous parlez d'élection. Quelle élection? Entre qui et qui? Entre qui et qui? Alors, maintenant, cette démocratie dont parlait le prince Louis Gwagasore, c'était ces élections dont parlait le prince Louis Gwagasore pour accéder au pouvoir, le gérer et le quitter. Cette unité et cohésion des Burundais, cette bonne gouvernance politique, économique et sociale, administrative également, tout ça, on ne voit pas ça dans le pays. Alors, comment est-ce qu'on peut parler d'une évolution positive de l'héritage du prince Louis Gwagasore, parler d'indépendance, parler de souveraineté? Être indépendant, ça veut dire être à mesure de s'exprimer librement dans son pays, de circuler librement dans son pays. Hein? Ça veut dire qu'à ce moment, il n'y aura pas de réfugiés, il n'y aura pas de prisonniers politiques. Hein? Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de réfugiés, il y a beaucoup de prisonniers politiques. Dans votre mot introductif, vous avez parlé des aspects socio-économiques de ce pays. Donc, je dois dire qu'on a floré l'indépendance, on n'a pas été indépendant, on la cherche encore. Rien n'est positif dans ce pays. Nous avons même reculé par rapport à 1960. Merci beaucoup Léo Senginakoumana. Nous sommes également avec Faustin Dikoumana. Aujourd'hui, on célèbre 63 ans de l'indépendance du Burundi. Quelle est votre évaluation? Est-ce que la route tracée par Gwagasore a été suivie? Merci de m'accorder la parole. Pour faire mon commentaire par rapport à cette question, et il faut d'abord voir les idées de Gwagasore, que prenait Gwagasore hein, quand il se battait pour l'indépendance en 1962. Je crois que la voie suivie, que le Burundi a suivie après son assassinat, c'est une voie complètement, je dirais, contraire, diamétralement opposée à 182. Parce que si on analyse ce qui s'est passé au lendemain de l'indépendance, jusqu'aujourd'hui, de 62 jusqu'en 2025, voyons par exemple de 62 à 66. Mon collègue Léon se disait le pays a sombré dans des divisions ethniques, Monrovia, Casablanca. L'évaluation même qu'on peut en faire à cette époque, la moyenne de longévité gouvernementale était 6 mois. Aucun programme économique ne pouvait être conçu. Ça, c'est 62-66. Moyenne longévité gouvernementale, 6 mois au lendemain de son assassinat. De 1966 à 1976, c'est l'une des périodes les plus sombres de l'histoire du Burundi, avec la Première République. La tension a atteint son paroxysme avec la crise de 1972. Le régionalisme, l'ethnisme, le clanisme, à cette époque de la Première République, ont eu une situation bien établie, ont eu pignon sur rue. La calmie est venue en 1976 à 87 avec le programme de développement du président Bagaza. Mais là aussi, les travers d'exclusion, régionalisme, clanisme, et n'ont pas complètement disparu. Et avec le gouvernement Ouyasé, c'est la continuité malgré les réformes qui avaient été initiées. De 1993, hein, avec de 1993 à 2005, la situation s'est empirée avec une crise de 12 ans. Les experts montrent que le PIB a reculé de 33%. De 1993 à 2005, le produit intérieur brut a reculé de 33%. C'est là où même où on a commencé à observer une inversion de tendance au niveau de l'évaluation du taux de pauvreté dans notre pays. Avant la crise, on était à taux de pauvreté de 33, mais après la crise, donc en 2005, c'était déjà à 67%, environ 70%. Donc le pays a reculé, sans oublier le recul de 1972 qui a été évalué à plus de 7% avec les ressources humaines que le Burundi a perdu avec les massacres de 1972, les réfugiés de 1972. Donc ce sont des travestis encarvés. En 2005, après l'accord d'Arusha de 2000, les Burundis, au moment de l'accord d'Arusha, avaient essayé de refonder la nation, de tracer les principes directeurs pour fonder la stabilité de notre nation. Et les élections de 2005, malheureusement, après les élections de 2005, les lendemains ont déchanté, parce que de 2005 maintenant à 2025, la situation, au lieu d'évoluer positivement, nous sommes devant une surprise et une déception qu'on est en train de reculer sur tout le plan. au niveau économique, au niveau politique, au niveau démocratique. On constate avec amertume cette situation, alors que tous les ingrédients, tous les atouts étaient là pour que le Burundi puisse s'orienter vers une trajectoire prometteuse. Malheureusement, aujourd'hui, on continue ce que je refuse, ce qui me répugne, à faire du colonisateur le dépotoir de tous les maux. On ne peut pas continuer à accuser quelqu'un qui est parti il y a 60 ans, qui est la base de tous les maux. On veut se décharger, on veut dire, c'est le colonisateur. Non, non, non, c'est notre responsabilité. Il faut l'assumer. 60 ans après, on ne peut pas continuer à dire, c'est le colonisateur qui nous a... Et malheureusement, il y a même des pratiques qui ressemblent aux pratiques de l'époque coloniale. Lorsqu'on a lancé la campagne électorale à Gitega par un défilé, le secrétaire général du parti au pouvoir, dans son discours, il a indiqué qu'aujourd'hui, le Burundi connaît la stabilité dans tous les domaines grâce au CNDD-FDD. Là, qu'est-ce que vous en dites? C'est un discours politique et de campagne électorale. Cela ne m'intéresse pas. La situation, nous la décrivons telle qu'elle est aujourd'hui. Telle que nous la vivons. Récemment, j'aurais évoqué, quand je faisais une conférence de presse de 5 ans de l'actuel leadership, et nous avons une inflation de 40%. Une inflation, vous imaginez une inflation de 40%? Même pendant l'embargo, on n'avait jamais atteint ce chiffre. Pendant l'embargo, les réserves de change, 2 semaines, le minimum au niveau de la sous-région, mais. Selon les facteurs de convergence de l'East African Community, on doit être à 4 mois, 6 mois. Mais on est à 2 semaines. Une dévaluation monétaire de plus de 300%. Un endettement inimaginable. Entreprises publiques se sabordent une à une. Mais quelquefois, les gestionnaires du pouvoir public, ils aiment dire que ceux qui disent que les signaux sont en rouge sont des gens qui n'aiment pas le pays. Je te donne des chiffres précis. Si je parle d'une inflation de 40%, est-ce que je dois faire de la démagogie, moi? Ce sont des chiffres qui parlent. C'est comme embêter d'un élève. Un élève qui a eu 40% avec des déchets qui sont dans 6 coups, il n'a pas démontré autre chose. Oui, merci beaucoup, Faustin Ndikumana. Nous abordons dans le même sens, Olivier Nkurunziza. Est-ce qu'au Burundi, les Burundais aujourd'hui, ils ont à s'auto-évaluer, est-ce qu'ils peuvent avoir de l'espoir que la vision 2040-2060 qui est devise du pouvoir aujourd'hui peuvent nous ramener à une indépendance économique? D'abord, aujourd'hui, avoir une vision, c'est une chose, mais la mettre en pratique, c'est autre chose. D'abord, il doit y avoir les préalables pour que la vision soit mise en pratique, soit mise en œuvre. Mais moi, ce qui m'a déçu, je reviens, par exemple, il fallait que les élections de 2025 qui ont eu lieu soient une base, soient une fondation pour la mise en œuvre de la vision 2040-2060. Mais avoir ce qui s'est passé, avoir les institutions qui seront mises en place, bien sûr, tenant compte du redécoupage national aujourd'hui qu'on va mettre en place. Alors que tous les Burundais, même si on dit que tous les Burundais ont voté le parti au pouvoir, même ceux qui le disent le savent très bien que ce n'est pas vrai. Mais en réalité, il fallait préparer le terrain pour que tous les Burundais soient drainés derrière un programme bien établi, derrière un programme effectivement. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a qu'une personne qui s'assoit quelque part, si on l'empêche de faire un débat. Par exemple, dans une commune, si vous voulez développer un pays. Alors qu'il y avait des partis politiques qui ont participé dans les élections, qui devraient par exemple participer dans le conseil communal. C'est là où, effectivement, on développe les programmes économiques du pays et politique. À partir des PCDC, alors qu'on a éliminé toutes ces personnes-là qui devraient contribuer, parce qu'il faut qu'il y ait la contribution de tous les Burundais. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, si vous voulez avoir une vision qui sera mise en œuvre d'une façon correcte, qu'on aura ça? Moi, j'ai peur que cela sera totalement impossible. avec effectivement la lutte de la corruption, la marvelisation économique qu'on a suivie, avec la justice qui travaille comme on voit, avec toutes les personnes. Parce que quand vous voulez, par exemple, dans la vision, il faut qu'il y ait des transformations institutionnelles et structurelles du pays pour qu'on travaille. Si ça restait les mêmes personnes qui commettent les mêmes forfaits, qui sont responsables de toute cette, de la mise en œuvre de cela, ça c'est pratiquement impossible. Au niveau du parti Prona, qu'est-ce que nous disons? Le Burundi, c'est pour les Burundais. La nation burundaise, il faut comprendre ce qu'on appelle la nation. La nation, c'est tous les composantes du peuple burundais, qu'ils soient Hutu, Tutsi ou toi, mais aussi les partis politiques qui sont là, les différentes églises, qu'ils soient musulmans, catholiques et protestants. Il faut que toutes ces personnes participent pour la mise en œuvre de Hutu. Alors, quand il y a des personnes frustrées, quand il y a des personnes que tu vas utiliser la force, qui ne comprennent même pas le programme, parce que tu veux les forcer. Parce que l'arrogance politique tue. C'est ça ce qui est danger. Alors, c'est une base pour moi qui ne va du tout donner des résultats escomptés. Et au niveau du parti Prona, nous sommes ici pour effectivement contribuer, mais sur quelle base? La sécurité, on dit qu'il y a la sécurité, oui, mais la sécurité, on a besoin de la sécurité alimentaire. Avec ce que Faustin vient de dire, l'inflation de plus de 40%, bientôt ça peut même atteindre 50%. Est-ce que vous pouvez dire que la vision, imaginez cela? Est-ce qu'avec effectivement manque de devises, avec effectivement réserve de 2 semaines, on ne peut pas même avoir des moyens pour la mise en œuvre? Parce que la vision a besoin des moyens. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, vous voyez que nous avons beaucoup à faire. C'est la raison pour laquelle le parti Prona demande qu'il y ait vraiment des réunions, qu'il y ait des programmes de réflexion. Si nos programmes 2040, 2060 restera toujours dans les rêves, sans toutefois être concrète. Mosaïque. Je rappelle à ceux qui viennent de nous capter en cours de route que nous sommes dans Mosaïque consacré aujourd'hui à l'évaluation de l'indépendance du Burundi après 60 ans. Léon Senghenakouman, il y a une vision 60-40, mais avant d'y arriver, qu'est-ce qui a manqué pour que réellement le Burundi soit indépendant dans différents secteurs? Quels sont les défis qui ont et qui hantent l'indépendance totale du Burundi? Nous l'avons déjà dit. Vous-même, dans le mot introductif, vous l'avez déjà souligné. Comment pouvons-nous parler d'une indépendance, de la souveraineté, avec tout ce qu'on vient de donner comme indicateur? Regardez, ils ont donné des chiffres. Les chiffres sont plus parlants que nos paroles. Quand vous regardez la négation de la démocratie dont prenait le prince Lingua Gassoré, il y a une négation de la démocratie multipartite. Aujourd'hui, il y a une tentative. Ce n'est pas une tentative, maintenant ça va être une réalité de retour au parti État. Je ne parle même pas de monopartisme, parti unique, mais de parti État, ça veut dire confusion entre l'État et le parti, et un parti politique. Là aussi, sans vous couper la parole, le secrétaire général du CNDD-FDD, lors de la campagne, il a indiqué dans son discours que là où les pays sont développés, c'est le parti unique. Mais il n'y a pas que le secrétaire général, c'était pas ça. Même le chef de l'État l'a confirmé à plusieurs reprises. On ne peut pas se développer tant qu'on entre dans ce qu'ils appellent, je ne sais pas comment le dire en français, ils ont parlé de groupuscules de partis politiques, pour effectivement nous entraîner à retourner dans un parti État. Vous comprenez qu'avec cet élément-là, devenir indépendant, ça devient très compliqué. Ajouter à cela la fraude électorale. Massive, une fraude électorale massive. Ajoutez à cela l'exclusion. On a parlé dans le temps de l'exclusion ethnique. Maintenant, il y a l'exclusion politique aussi. Il y a l'exclusion sociale. Toute forme d'exclusion existe dans ce pays. Et en parlant de taux d'étau, le taux du chômage, le taux de pauvreté, le taux de chômage dans ce pays. En parlant en évoquant l'instrumentalisation du génocide. Car les Tutsis parlaient du génocide, ils parlaient du génocide tutsinique. Mais quand les Hutus parlaient du génocide aujourd'hui, j'ai vu des écrits, je vois, j'entends. Hein? C'est vraiment de l'instrumentalisation. C'est un fond de commerce. Et ça va créer énormément de problèmes, cette situation, si ce n'est pas bien géré. Avec tout ça, comment est-ce qu'on peut parler de... Vous nous avez embarqué sur une piste très difficile. Hein? De parler d'évaluer l'indépendance. Il fallait plutôt parler de comment recouvrer notre indépendance. Comment recouvrir notre indépendance? On va y arriver. Ça veut dire qu'il fallait, il faut lutter contre tous ces défis. Mm-hmm. Voilà les défis qui ont empêché à ce que et nous soyons réellement indépendants. Donc, il y a des défis. Est-ce que vous m'aviez posé la question, savoir si... Oui, qu'est-ce qui a manqué pour que le Burundi... Ah, ce qui a manqué, c'est ça. Qu'est-ce qui a manqué? C'est ça, les défis. Ce dire. Et comment gérer une telle situation aujourd'hui que vous qualifiez d'impasse? Yeah, ça serait vraiment un grand combat, une grande lutte. Parce qu'avant, c'était facile, parce que c'était le colon, c'était un étranger. Maintenant, c'est un conflit interne entre les citoyens d'une même nation. Entre frères. Entre frères. Ça sera très compliqué dans la mesure où, avec ce taux de pauvreté, ce taux de chômage, la population s'est presque résignée. Mm-hmm. Sur ses voies démocratiques, sur ses voies de bonne gouvernance. La population est très fatiguée, et découragée, déçue et même désespérée. Plus grave. La population se désespère, ne voit rien venir. Alors, ce qu'il faudra faire, ça sera d'abord de réveiller la conscience des Burundais. La première chose, ça sera de réveiller la conscience des Burundais. La deuxième chose, ça sera une éducation. Qu'est-ce que nous voulons? Il faut que le citoyen sache ses droits constitutionnels, ses devoirs, ses obligations. Il faut qu'il en soit informé. Il faut que le citoyen sache, la population du moins, la population sache son rôle et sa place dans l'indépendance, dans la stabilité de son pays. Il faudra beaucoup de choses. Il faudra que les partis politiques sachent qu'ils ont un rôle à jouer, qu'ils ne sont pas là pour comme des demandeurs d'emploi uniquement. Hein, comme des demandeurs d'emploi, de moyens. Nous vivons une fragilité politique et idéologique très très grave avec nos partis politiques. Hein. Il faudra que, finalement, ceux qui sont élus sachent pourquoi est-ce qu'ils sont élus. Ils ne sont pas élus pour écraser le peuple. Ils ne sont pas élus pour diviser le peuple. Ils ne sont pas élus pour prendre tout le patrimoine de l'État dans leurs mains, pour concentrer le patrimoine de l'État dans leurs mains. Il faudra que celui qui est élu sache qu'il est là pour représenter, défendre les intérêts du peuple. Et surtout, le chef de l'État, le Parlement, il y a aussi au niveau local, au niveau des communes, au niveau des collines, ceux qui sont élus, il faudra qu'ils sachent leurs responsabilités. Sinon, continuer, comme Faustin le disait, à parler, à incriminer le colon, c'est vraiment une absurdité. C'est une absurdité. Très prochainement, ça veut dire que tous les chefs, tous les rois d'abord, on a eu deux rois après, voilà, deux rois, avec une dizaine de gouvernements, de présidents de la République, des gouvernements sont multiples. Donc, avec tout ça, est-ce qu'on peut continuer à dire que notre indépendance a été handicapée par le colon qui est parti en 1960? C'est pas possible. Ça veut dire que nous manquons de responsabilité. En fait, l'indépendance, c'est quoi? Ça veut dire la capacité des institutions, la capacité des Burundais à prendre en main l'avenir de leur pays, à gérer leur pays, politiquement, économiquement et socialement. Hein? Si on n'est pas capable de le faire, il ne faut pas aller s'en prendre à un colon qui est parti. C'est une bonne guerre. Le colon a ce qu'il cherche, il a ce qu'il cherche ici. Alors quand vous regardez mal, d'ailleurs, maintenant on est en train de créer un environnement favorable au retour du colon. Ça veut dire que celui qui ferait un référendum par rapport à ce qui dirige l'Afrique, parce qu'il ne faut pas uniquement parler du Burundi, on parle du Burundi, mais c'est un phénomène sur toute l'Afrique. Si on faisait un référendum sur 70% des pays africains voteraient pour le retour du colon. Faustin Dikoumana, on parle des défis qui ont handicapé cette indépendance qu'on a eue le 1er juillet 1961. Et jusqu'à aujourd'hui, et selon l'estimation de la Banque mondiale, de 2022, 87% de la population vivent avec moins de 1,9 dollars par jour. Est-ce c'est que vous pensez plus. Que la vision 2040-2060, vision 2040-2060 est possible avec une telle situation de 2022? Ça, c'est un fait. Si on voudrait nous tourner vers la vision ou l'émergence, c'est un objectif, c'est un idéal. Mais ce qui se fait aujourd'hui est le contraire de ce qui doit être fait pour tourner vers l'émergence. Que ce soit au niveau des préalables, on ne peut pas parler de l'émergence avec une situation de manque même de carburant, d'énergie pour se déplacer. c'est quoi? Donc il doit y avoir des bases solides. Les préalables élémentaires ne sont pas même là, ne sont pas là. On va parler d'émergence avec des élèves de chance de 2 semaines. C'est pas possible. C'est impossible. C'est même le contraire de ce qui est en train d'être fait et dit. Les structures de la gouvernance, le niveau de corruption, le déficit démocratique. Et encore une fois, les élections actuelles, l'organe des élections, le résultat amer, c'est que les de ces élections, nous accouchons des institutions qui ont un déficit de légitimité. Là où c'est un problème. Et quand il y a un déficit de légitimité, ça fait l'origine d'une crise politique latente. Et voilà. Ça veut dire que les crises politiques ont eu un impact pour faire que le Burundi fait évoluer en dans l'océan marge de tortue pour son développement. Maintenant, nous sommes encore une fois dans d'autres crises politiques. Ce sont des ingrédients qui entravent au lieu de booster, au lieu de faire que le Burundi puisse faire des pas de géant au niveau de la croissance économique. C'est malheureusement le constat qui est là. La situation est amère, mais aussi le leadership politique qui devait fédérer les énergies des uns et des autres pour orienter le pays vers la croissance, ça devient problématique. Alors, comment est-ce que dire que la vision pourra avoir des bases solides pour son mise en application? À moins qu'il y ait, par extraordinaire, un genre de miracle, un changement d'orientation. Un changement d'orientation, s'il y a un courant progressiste qui naît au sein du parti, pour vraiment prendre un autre chemin, par extraordinaire, ça peut être possible. Mais, égard à ce qui s'est fait aujourd'hui, il y a un scepticisme qui est là, qui est tenté de démobiliser même les énergies des uns et des autres. Et comment alors trouver solution à ce défi qui doit prendre les commandes en premier lieu? Qui doit prendre les commandes pour voir comment trouver solution à tout ça? Comment trouver solution? Bon, par exemple, je dis actuellement, je propose 5 piliers. Le premier pilier, si je dis, il y a un pilier, par exemple, lié aux réformes macroéconomiques courageuses, sous dualisme de taux de change, cette situation inflationniste. Cette politique budgétaire, sauf cette façon de financer le déficit par le seigneuriage bancaire, par la planche à billets, qui est en train d'alimenter l'inflation, il y a vraiment un environnement macroéconomique qui est en train de peser ou de même sur la production. Il faut avoir un courage pour vraiment engager le pays sur des réformes solides. L'environnement des affaires. L'environnement des affaires pour faire entrer les capitaux. L'environnement des affaires pour faire entrer les capitaux, le Burundi ne peut pas démarrer sans des capitaux, les investissements directs étrangers, tout ce qui est de problèmes juridiques, alors, il y a l'environnement des affaires, des infrastructures nécessaires de base, pour appuyer donc, la production, la coopération internationale. La coopération internationale. Maintenant, il y a un discours qui est tendance à dire soi-disant qu'on peut s'autosuffire. C'est impossible. Le Burundi ne peut pas avoir un investissement suffisant pour se doter des infrastructures, pour soutenir la production économique et l'évolution de notre pays. Même Djidji Mulembe, qui vient de terminer après une période de 18 à 20, analyser les bailleurs qui ont contribué. Il y a la Banque mondiale, la BAD, l'Union européenne et autre chose. Hein? Un autre pilier très important, c'est la cohésion nationale et la stabilité politique. Ça, c'est fondamental. Nous avons des réfugiés actuellement. Les Burundais aussi, la société burundaise reste dichotomisée. Les uns tirent la ficelle de leur côté. Le pays est en train d'être déchiré. Et le tissu national est en train d'être déchiré par ses propres fils. Et je ne sais pas comment on pourra parvenir à recoller ces morceaux. C'est une évidence. Donc la cohésion. Imaginez, nous arrivons en 2025 avec encore une fois un lot de réfugiés à l'extérieur. Et avec un déficit de transparence électorale quand nous organisons des élections. Les élections de 1961 ont été beaucoup plus transparentes que celles d'aujourd'hui. Le Burundi de 1961 a mieux voté plus que le Burundi de 2025. Vous imaginez? Et qui doivent prendre les commandes? On a demain un parlement monocolore. On a demain les conseils communaux monocolores. Nous sommes devant un fait. Le fait, il est là. Le parti s'impose. De fait, à partir de 2025. Malheureusement, le pays doit continuer à vivre. En attendant qu'une alternative aussi crédible se fissure pour affronter courageusement son comportement envahissant du parti au pouvoir. Parce qu'on reste en champ libre, c'est de bonne guerre. Le parti au pouvoir va continuer à se racouler douce. Mais la barre appartient à l'alternative de la classe politique, aussi de l'opposition, qui doit prendre ses responsabilités. Parce que les Burundais vont carrer à leurs activités quotidiennes. Mais dire que les Burundais, comment est-ce que les Burundais vont se rassembler sans leadership qui oriente. La barre est dans le camp des transpositions avec Iprona, avec Fordé, avec autres. Il faut créer une alternative qui doit affronter courageusement, je dis courageusement, cette tendance pour la stopper. Parce que quand le parti s'impose en matière politique, quand un parti est au pouvoir, il n'a pas de contre-pouvoir lié, donc basé sur une opposition solide. Donc c'est de bonne guerre, il continue. Et la population continue à bougonner, à se lamenter, dans un désespoir total. S'il n'y a pas un leadership crédible qui se crée, qui se peaufine pour faire cette alternative, canaliser les énergies de tous ceux qui veulent un changement prometteur, ça devient complètement impossible. Là aussi, il faut appeler les choses par leur nom. Oui, merci beaucoup, Faustin Dikoumana. Et affronter courageusement, je le dis. Courageusement, sans défaitisme. Mais on constate ces derniers temps que les Burundais n'ont pas aujourd'hui ce courage de dire non. On voit aujourd'hui l'absence totale de l'opposition forte pour que le Burundi puisse sortir de l'impasse, pour qu'il y ait un redressement de la situation politique au Burundi. Et c'est un des moyens de solution à ces défis qui hantent l'indépendance du Burundi. L'opposition burundaise adore. D'abord, qu'est-ce qu'il faut savoir? Partout dans le monde, pour avoir une alternative forte, ce ne sont pas seulement, effectivement, des programmes ou des discours qu'on donne. Il faut tenir compte de la situation que le Burundi a vécue. Regardons depuis 2015 ce qui s'est passé. Avec ce comportement, je dirais féroce, qu'on utilise pour effectivement mater les gens qui essayent de lever le doigt et de dire le contraire de ce qui se passe au Burundi, tout le gouvernement, par à travers le ministère de l'Intérieur, qui par exemple, honorable Léonce l'a dit, il donne des messages que celui qui va encore réclamer sera emprisonné. C'est vraiment l'intimidation et du terrorisme. Mais tout cela, c'est la formation qu'on est en train de donner aux Burundais. Cette opposition est là, c'est les responsables sont là. Mais pour avoir le souci de sécurité de tous ses membres, il y a des personnes qui pensent effectivement qu'il faut toujours raisonner de sécuriser vos membres à la base. Mais aujourd'hui, ce que je vois, le parti Prona, c'est pas seulement le parti Prona, d'autres partis sont là. Je suis totalement avec vous, il y a encore cette manque de cohésion, de travailler ensemble, de peur que, effectivement, à un certain moment, le parti pouvoir va utiliser d'autres ruses pour vous diviser, mais il faut qu'il y ait une résistance. Alors, on nous pousse effectivement à une situation où tout le monde, on verra que vous êtes dans une situation inconfortable, que même ce qu'on vous propose ne sera pas du tout possible, et les Burundais seront effectivement, vont se réveiller et dire non. Alors, ce qui est très anormal, on dit qu'au Burundi c'est stable, que même s'il y a eu des élections, que la population, il n'y a pas de soulèvement, il n'y a pas de problème. C'est ça ce qu'il faut éviter. Et à un certain moment, la population burundaise, ils seront obligés de le faire. Alors c'est ça ce que nous sommes en train de dire. Il ne faut pas pousser à la population burundaise de tomber dans cette dernière phase de recours. Parce qu'il y a à sauver. Parce que pour sauver ça, c'est de respecter les lois burundaises, ne pas utiliser la force, ne pas utiliser les moyens d'intimider la population burundaise, sinon la population burundaise risquera un jour de tomber dans cette situation. Merci beaucoup. Il n'y a pas eu d'avancée depuis le 1er juillet 1961. Léon Senghi Ndakoumana, y a-t-il espoir que demain ou après-demain, les Burundais pourront sortir de cette impasse, soit économique, de mauvaise gouvernance, de manque de démocratie? Et certainement oui. Certainement oui, sinon on tomberait dans le pessimisme, ça serait très grave, on disparaîtrait même. Mais permets-moi de revenir en arrière un peu sur la vision 40-60. Dans un atelier organisé par le Parsem, j'avais insister sur une meilleure préparation et organisation de ces élections de 2025, que si les élections de 2025 rataient, qu'on raterait un cycle d'élections, 2027, ça va rater aussi. 2030, ça va rater. 2034, 2035, ça va rater aussi. Et imaginez-vous, est-ce qu'avec ça, on va arriver à 2040? Moi, j'avais dit que si on a la chance, on restera où nous sommes aujourd'hui. Mais on n'aura pas cette chance avec ce qui vient de se passer. On n'aura pas cette chance. Ça veut dire qu'on va continuer à retomber. Hein? Quand le secrétaire général du parti, il prend le parti, je parle du parti d'ailleurs, quand le parti, appuyé par le gouvernement, parle du retour, hein, au monopartisme de fait à un parti État, quand on met en avant la fraude électorale, quand on renforce l'exclusion, hein, quand on renforce aussi l'esprit d'un tribalisme vulgaire, comment voulez-vous avoir un pays émergent en 2040 avec des taux qu'on a évoqués tout à l'heure, avec tout ce que, avec les cinq piliers que mon collègue Faustin vient d'évoquer? Comment est-ce qu'on peut rêver même à avoir un pays émergent en 2040? C'est pas possible. Encore moins développé en 2060. Donc, les raisons d'espérer sont, les fondements ou les raisons d'espérer sont là. Hein? Parce qu'on voit une population qui se cherche. La population se cherche. Malgré l'infirmité des partis politiques, ils sont là. Il y a quand même des partis politiques qui continuent à fonctionner. Il y a une société civile qui continue à fonctionner malgré tout. Il y a des médias comme le vôtre qui continuent à fonctionner. Bon, j'ai vu que même les confessions religieuses tentent de suivre la situation et donner un éclairage. J'ai vu par exemple l'Église catholique sur ces élections. Il a dit quelque chose. Il a exprimé des inquiétudes. Ça veut dire que j'ai écouté même le chef de l'État quand il s'exprimait. Il dit, bon, voilà, on doit arriver. Ça veut dire qu'il y a un engouement. Ce que nous avons dit alors, il faut arriver de conscience face à tout cela. Il faut arriver de conscience. Il faut que le Burundi sache qu'il est en train de descendre dans l'enfer. Il faut une éducation. Il faut une nouvelle forme d'éducation. Par l'éducation que nous avons hérité de la colonisation, je m'excuse de parler de la colonisation. Donc, cette forme d'éducation-là de mémoriser, de bloquer uniquement, il faut qu'on enseigne aux citoyens burundais comment il doit vivre, se faire vivre lui-même, se prendre en charge. Qu'il soit à l'école ou ailleurs, mais il faut qu'il sache qu'il a la responsabilité de se prendre en charge. Mm-hmm. Pas toujours attendre de sa famille, du gouvernement, de son parti politique. Mais qu'il soit conscientisé qu'il doit se faire vivre lui-même. Alors, il faut aussi une mobilisation. Il faut continuer à mobiliser. On parlait de forger une alternative crédible, une opposition. Ce n'est pas seulement une opposition. Il faut mobiliser toute la population burundaise pour le changement de cette gouvernance. Parce que si on continue avec cette gouvernance, il n'y aura pas que la pauvreté, le chômage qui vont s'aggraver. Mais le Burundi risque d'être annexé quelque part ou de disparaître si on continue dans des voies comme ça. Donc, il y a des raisons d'espérer parce que les Burundais constatent que nous sommes en train de descendre dans l'affaire. Un jour, on le disait, il va dire non. Non. Ça, c'était descendre. Merci beaucoup. Ça, c'est très sûr. Il y a raison d'espérer, et c'est le même avis que Faustine Dikoumana, que demain ou après-demain, les Burundais pourront sortir de cette impasse économique. Le message que je vais lancer, je lance de deux façons. D'abord, au pouvoir en place. Nous sommes devant une réalité où le pouvoir est là et les Burundais, malgré tout, doivent continuer à vivre. On ne va pas se suicider parce que la situation est telle qu'elle est aujourd'hui. Nous continuons à vivre, nous composons avec une donnée qui est là. Mais nous faisons remarquer aussi au pouvoir, s'il advenait qu'au moins la conscience en elle soit réveillée pour voir que la situation européenne est en train de sombrer et tourner autrement, orienter le pays autrement. Même parti AIDP, des pays où le parti unique est passé plusieurs années pour avoir pu quand même développer le pays. Pas Singapour ou autre. Au Japon, même le parti libéral a passé 45 ans au pouvoir. C'est là où le Japon a fait des miracles. Je dois dire que il faut être conscient de ça. Mais malheureusement, la situation actuelle est atypique parce que le parti qui veut se consacrer comme parti unique le fait à partir des élections dont la crédibilité est restée problématique et déficitaire. N'est-ce pas ça, c'est un problème. Deux, quand on parle de l'opposition, et tout à l'heure, mon collègue, on se dit qu'il faut mobiliser. Je dis, rêver de la conscience citoyenne. Qui va rêver cette conscience? Est-ce qu'un pouvoir, quand il a la volonté de continuer à régner, en particulier de régner, c'est de bonne guerre de continuer à limiter l'évolution de la conscience citoyenne. Il veut limiter, il faut que les gens, au lieu d'être conscients que la situation est mauvaise, atypique, il faut maintenir dans une conscience tranquille. À un certain moment, ça déborde, mon frère. C'est alors, ça déborde. C'est alors aux acteurs politiques de participer au réveil de la conscience. Tout à fait. Et voilà, je dis l'acteur de ce réveil de la conscience. Former les citoyens Burundi a cette conscience. Il est difficile de voir un pouvoir qui va former une population. N'attendez pas du CRDD en train d'organiser des formations pour réveiller la conscience, vos droits, vos quoi. N'attendez pas cela, monsieur Léon. Désillusionnez-vous. Je ne l'ai pas demandé au pouvoir. Oui, je dis. En tout cas, c'est lui qui allait. Je dis que l'acteur principal reste l'acteur politique qui voit la nécessité de cela. Oui. Même cette mobilisation, il appartient. Le pouvoir a déjà échoué. Oui. Il appartient, il appartient à la classe politique. Il appartient aux autorités civiles de participer à l'éducation citoyenne. N'est-ce pas, monsieur Olivier? N'attendez pas cela du pouvoir. Le pouvoir essaie plutôt d'embrigader. C'est vrai. Et nous sommes dans une situation où la je dis même là où le bas blesse, on veut commencer même à instrumentaliser politiquement la jeunesse depuis l'école primaire. C'est grave. Très grave ça. L'éducation, ça, c'est la question de la nation. Hypothéquée. On va même jusqu'à la fin de 5-6 ans. Ça, voilà ce qui est plus grave. C'est plus grave. Je l'évoquais très récemment. Nous courons un risque élevé sur l'éducation. Déjà, notre jeunesse avait un défi au niveau de la formation scientifique. Si on instrumentalise politiquement comme ça dès le bas âge, au revoir. Merci beaucoup. Un dernier mot avec Olivier Nkurunziza. Y a-t-il espoir demain ou après demain, vu que même la route tracée par Gwagasol n'a pas été suivie? Nous avons l'espoir parce que les Burundais de valeur intègre sont encore ici au Burundi. Alors nous allons prendre conscience, même si on disait que personne ne pouvait pas dire quelque chose, qu'il y a, ça ne va pas, il y a des Burundais qui continuent à le dire. Alors je pense que avec cette élite que nous allons commencer à conscientiser les Burundais, il y a nos membres qui sont là, il y a les Burundais qui sont là. Je pense qu'un jour, la ligne directrice qui a été tracée par le prince Louis Gwagasol sera atteinte. Et je pense qu'effectivement, on ne peut pas désespérer à 100%. Merci beaucoup. On ne peut pas désespérer. Voilà, c'est par ici que se referme notre émission Mosaïque qui portait sur les progrès réalisés après 63 ans de l'indépendance du Burundi. Merci à nos invités, Olivier Nkurunziza, président du parti UPRONA. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Je vous remercie et je souhaite la bonne fête de l'indépendance à tous les Burundais. Je rends hommage au prince Louis Gwagasol et sa compagne d'élite. Léon Sengendakoumana, politicien et membre du parti Sawanyafo Debout, merci à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. Et merci aussi, je dois souligner que le réveil de conscience est déjà là, ce sont les faits. La conscientisation des Burundais, c'est une réalité maintenant. Le comportement du parti SNDD-FDD, de son gouvernement, sont en train de former les Burundais. Donc, on peut s'attendre à ce que la situation change dans les prochains jours. Nous avons aussi l'amabilité de dire merci à Faustin Dikoumana, directeur national de la PARSEM, Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Merci à vous aussi d'être venu dans Mosaïque. Merci de nous avoir invités. Et mon dernier mot à la classe politique, surtout de l'opposition, je les rappelle, le principe de maximisation des résultats malgré les contraintes. Le terrain politique est miné. Et la réalité du Burundi ne se rassemble pas à la réalité tanzanienne, togolaise. Non. Chaque pays a ses réalités. On les affronte telles qu'elles sont. Il y a des principes démocratiques, mais le terrain au Burundi est miné. On devra l'affronter tel qu'il est. Il faut garder le courage au pouvoir. Je l'ai dit, de prendre conscience de l'évolution du pays depuis l'indépendance. De connaître qu'ils seront responsables de voir l'histoire, de les gestion de la nation à partir de 2005. Et de ne pas continuer à se décharger sur le colonialisme. Il est grand temps de faire preuve de responsabilité, de sacrifice et d'abnégation, d'intérioriser ce discours et de faire mettre ce discours de l'héros national du prince Louis Gwagasol, dont on jante régulièrement l'appréciation, alors qu'on est en train de sombrer dans des comportements de bas étage. Merci à l'équipe technique composée de François Kimana et Cédric Nibishaka. Merci à Medarni Onguru qui était à la réalisation. Evariste Nzekoumanyanga, j'étais à l'animation. Nous disons merci à vous tous qui nous suivez. À la prochaine. Mosaïque.